erreur, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. C'est con qu'il y a là. C'est con, on va s'en occuper. Oh, Malouda. Non, mais le problème, c'est que si c'est l'actualité, et Malouda, c'est l'actualité, donc en fait, voilà. Donc ça sert à rien donc, de changer. Pas changer. Ça se démode jamais. Alors, figure-toi que j'étais avec Jeannot au match. Ouais, vous avez fait une petite allusion. But de Florent Malouda. Bah ouais, ouais. J'ai essayé de faire comme lui. J'ai fait Florent Malouda. Et tu vas voir, et en finale de l'Euro, pareil, ça va être énorme. Annoncé compte double. Donc, c'est cool parce que la première heure de l'after, c'est un after différent, évidemment, parce que c'était le retour du type pécho. Wesh, ma gueule, ça va? Ça fait plaisir, ouais, bien. Ça va, tranquille, la forme, la famille, ouais. Hein, ça va, les gars, ouais. DJ Cut Killer, ouais. Bon, déjà, ils ont gagné 5 minutes en se disant bonjour, les mecs, ça qui est pas mal. Belle escroquerie, mais c'est pas la meilleure, hein. C'est pas la meilleure escroquerie de la soirée, hein. Ça, c'est le début, les mecs, hop, il y a 500 000 qui tombent dans l'escarcelle, rien que pour avoir dit ça. Et ensuite, les mecs, ils t'annoncent, attention, gros invité, ça fait 3 semaines qu'on nous l'annonce, David Beckham. Alors là, on était tous là, les mecs, supporters du PSG. Ouais, il y a David Beckham. Excellent, le mec, la première émission de foot qu'il fait. Il y avait David Beckham. Ouais, non, mais c'est-à-dire que le mec, la première émission de foot qu'il fait en France, c'est quand même le Tipeee Show. Tant te dire qu'il s'y connaît, quoi. Donc, il est pote avec lui, attends. Ouais, d'accord. Il est pas pote avec toi, hein. Non, pas encore. Non, mais puis, je sais pas si ça va venir parce que. Alors, par contre, moi, j'étais à bloc et genre, j'écoute et la première phrase de l'émission, c'est ça. Bon David, comme je te l'ai promis, on parlera pas du PSG. Voilà. Merci d'être venu les mecs. Voilà. Eh ben c'était sympa. Donc après Teddy Riner, bon ben comme je t'ai promis Teddy, on va pas parler judo. Laurent Blanc, ben comme je t'ai promis, on va pas parler équipe de France. Hein, Pierre Ribéry, comme je t'ai promis, on va pas parler français. Comme ça, tout le monde est content. Non mais c'est cool. Non mais c'est fallait nous prévenir avant. Non mais le mec il vient avec ses potes. Seulement là il se la raconte, mais c'est comme direct la porte. Hein. Tu vas voir que dans 15 jours les invités ça va être Bernard Mendy, Thierry Vigneron et Alliance Ethnique. Hein. Ça sera plus du tout pareil. Il va moins se la raconter le mec. Mais moi ce qui me fait marrer chez Tony Parker, c'est quand même le mec, il sait comment faire rêver les gonzesses. Hein. C'est-à-dire que lui il est Hey chérie, tu sais quoi, franchement j'ai te faire rêver, on va quitter San Antonio. On va se barrer San Antonio. Ouais génial, on va où? Las Vegas? Los Angeles? Non, j'ai vachement mieux. Vachement mieux la France. Oh Paris, la capitale! Non, Villeurbanne, t'as vu? Villeurbanne! Ça fait pas kiffer, Villeurbanne, sérieux? Villeurbanne, tu connais pas? Attends, l'Astrobal, gymnase André Rieu, la musée de la carotte râpée, centre culturel Yann Folie. C'est génial! Chérie? Centre culturel Yann Folie. Chérie? Ah merde! Qu'est-ce qu'il y a? T'es allé chercher des clopes, mais on fume pas. Voilà, donc c'est ça, quoi. Donc Tony Parker, non, on va bien se marrer, hein. J'espère que la NBA va vite revenir, hein, parce que sinon, ça va paraître long, l'émission. Non, mais j'adore. Non, c'est pas vrai. J'adore le basket. Hein. Ce qui est génial, c'est que moi, j'ai écouté l'émission. En fait, il invite des mecs pour parler de lui, parler de son jeu vidéo, son dessin animé, sa qualification au jeu. Sinon, j'ai pas. C'était la première heure du. C'était pas l'after. Bah non. Bon. L'autre, il a peur d'avoir des problèmes. Gilbert, il fouette. Il dit merde. Je me suis mis mal avec Frédéric Bima. Avec toi, je suis plus à ça près. Alors, on a parlé de l'équipe de France. Samir Nasri, qui était bien, hein, il a été bien sa communication, hein, à l'époque il y avait eu une polémique. Alors, je me marre parce qu'il y avait eu une polémique parce que Samir Nasri, il était arrivé en Ferrari à Clairefontaine. Parce que les gars, Samir Nasri, c'est pas Samir Nasri, il va pas arriver en taxi, hein. Le mec, il vient de signer un contrat de 7 millions d'euros, mais le mec, il va rouler en Peugeot Partner, la Gilbert Bribois. Hé, hey, les filles! Hé, hey, matin, les gens, airbag conducteur, porte gobelet en série, et siège en mousse, motif Spider-Man! Non, ça marche pas, ça, Gilbert. Ça fait rêver personne. En plus, toi, elle est en leasing, hein. Tu l'as même pas payé cash. C'est la super loose. En même temps, RMC, c'est pas Radio Manchester City, hein. Donc désolé Gilbert. C'est vrai. C'est vrai que Nasri il a été critiqué pour ses choix, mais Man City. Bon, c'est vrai que c'est pas le choix du cœur, hein, pour lui. Et quand il me l'a demandé, ma Peugeot Partner pour une en soirée, tu le dis pas ça? Bah, je le dis pas parce que je suis pas Samir Nasri moi encore, tu vois. Je suis payé par la même radio que toi, mec. Je te rappelle. Bref, non, c'est pas vrai, on va dans des beaux hôtels. Hein. Quand il y a Roland Courbis, hein, sinon on est à l'Ibis. Message personnel. Non, je voudrais rappeler quand même que Samir Nasri, c'est vrai que lui, c'est vrai qu'il a pas fait le choix du cœur. Au départ, les Citizens, pour lui, c'était une marque de montre. Hein. Donc bon, il y est allé quand même. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'il est comme beaucoup de joueurs, il a pas l'esprit club. L'esprit club, ce qui manque, c'est la culture club. Hein, je sais, non, Paul, excuse-moi, en régie, stop. Non, c'est pas parce que je dis culture club, t'es obligé de mettre Boy George. Non mais lui, ça, je sais pas ce qu'il a. Lui, je sais pas ce que tu fais. Pourquoi t'as pour mis Fred Hermel? Ah bon? Oui. Oui, mais Fred Hermel, lui, il porte la moustache, va... mais il met pas du rimmel. Excuse-moi, je sais pas, qu'est-ce qu'il se prend pour Adil Rami, Paul, hein, je sais pas ce qu'il a. Non, non, attention, Fred Hermel, quand il met, tu vois, quand il met une moustache, il met un petit peu de terracotta, une crème de jour, mais voilà. Parce que c'est vrai que les spots de Bernabeu, ça flash un peu, ça fait des teintes blafards, hein. T'es obligé de mettre un petit peu de, bref. Je voudrais quand même rappeler que tout le monde fait la gueule. N'empêche que on a gagné contre l'Albanie! Ouais! Et c'est là où là! Et 3-0! Et ouais! Et ils sont où les Albanais? Ils sont où? C'est vrai, ils sont où les Albanais? Stop, ils sont où? Ils sont où? FC Tirana? Moi je les reconnaissais pas, donc je savais pas qui c'était, je savais pas où ils étaient. Donc pour le coup, quand j'ai chanté ils sont où, je savais vraiment où, pas où ils étaient, moi les Albanais. J'en connais pas. Oh là là là là, c'est triste. Polo! Polo, Allemagne, Belgique, c'est vrai que les Allemands sont assurés d'aller en Pologne haut la main, comme à la grande époque. La Belgique, c'est du bonus. C'est cadeau, c'est original. Si je ne sais pas, t'es déçu. Excusez-moi. L'Écosse qui inquiète l'Espagne. Oui, moi je pense que depuis 10 ans, ils inquiètent surtout les Écossais, à mon avis, mais bon. Et Air Arménie. Alors, tout l'autre, il nous a fait un grand cinéma, Gilbert, comme quoi on connaissait pas les joueurs arméniens. Irlande, Arménie, hein, non, mais les joueurs arméniens. Il y en a plein, les joueurs. Il y a toute l'équipe d'Evian, il y a qui sont hyper connus. Et Assamoajian. Il est pas connu, Assamoajian? Si. Alors, puis voilà, puis je passerai sur Rooney. Rooney, plus il a de cheveux et plus Capellos les arrache. T'as remarqué? C'est peut-être les vases communicants. Et comme je vois qu'on est un petit peu pressé, je vais finir avec une chanson. En hommage à un joueur. Je vais la faire a cappella, hein, parce que pas a cappello. Pas a cappello, évidemment. Je vais la faire a cappella. C'est une chanson sur un jeune joueur qui arrive en équipe de France et qui, je pense, mérite sa place. Attention, 3, 4. Y a pas mieux que Jérémy Mathieu pour jouer latéral gauche, même s'il est un peu moche. Y a pas mieux que Jérémy Mathieu. Il faut qu'il joue coûte que coûte, même si c'est un rook moot. Y a Clichy, j'ai Clichy dans la colle. À la place de Clichy, je retournerai à l'école. Y a Clichy, t'es devenu citizen. Mais si t'étais citizen, t'aurais pas quitté Arsène. Y a pas mieux que Jérémy Mathieu pour jouer côté gauche, même s'il est un peu moche. Y a pas mieux que Jérémy Mathieu. Quand tu remues sa caboche, ça fait pas un son de cloche. Y'a Evra, Evra et patatras. Et abracadabra, il est déjà plus là. Y'a Evra, Evra et patatras. Sois pas triste, Evra, un jour tu reviendras. Mais y'a pas mieux que Jérémy Mathieu. Car il pleure pas. Car il pleure pas, car il se plaint pas. Et y'a pas mieux que Jérémy Mathieu. Car comme on dit chez toi, dans le doux, abstiens-toi. Et y'a pas mieux que Jérémy Mathieu. Il a une tête de pioche, mais pas une tête de mioche. Et y'a pas mieux que Jérémy Mathieu. C'est un peu le plateau, je tourne les arrières gauche. Yes papa, merci, bonsoir. Ouais. Oh, putain, il est dur. Je vais crever quoi.